torture. Là où les keufs sont des ordures. Là on gratte les murs en guise de drogue dure. Là on veut tous baiser la magistrature. Là on n'a pas oublié que mon pays s'est fait piller. Là on veut des billets pour pouvoir un jour s'tallier. Très loin mais sans oublier d'où on vient. Ici c'est 5-9G. Lève ton poing si t'es roubaisien. Je t'écris là où les jeunes sont tous en chien. Là où on déjeune avec des gros joints. Là où les chiennes donnent leur vagin. Là où les keufs ne sont pas à jeun. Là où les tarés lèvent la roue de gros engins. Là d'où je viens, les petits se prennent pour des anciens. Faut de l'argent salement et arrache des sacs à main. Mais ça c'est rien pour les grands C. Voilà la marmée où je crois que le rinté à se défoncer. Là où beaucoup de méchants font d'armes sur Rapta. Là où d'hommes délinquants sont endettés par l'État. Là où pour de l'argent tu te fais pétard. Là où seul l'argent n'est pas l'abri d'un attentat. Je représente le F79 mon QG. Là où portugais c'est collecte la BAC. Panique de se faire caillasser. Là où pour une poignée de billets tu te retrouves à GAV. Après cette fête t'as passé tu seras déféré au parquet. Là où les dalles volent du toit Wahadi a laissé à doigt Alpha Lima Mike Alpha toujours paré pour le coup. Là où le chemin du taf nous a tous banni. Si t'as la peau couleur à l'œuf tu décrocheras un CDI. Là où même quand t'as rien fait tu te retrouves sur le banc des accusés. Si tu te fais péter tiens ta langue ou les balles vont fuser. Là où après la guérilla attends-toi une voix d'état. Entre deux un joint te pas et on t'allume au Beretta. Puisqu'elle n'est pas gay. Là où ça part tu te suis. J'ai ton paquet. Ouais là où toute la journée on fait le tour du pâté. Pour va mettre pâté. En cas d'en brut mettre un pâté. Là où croque la vie. Puisqu'elle n'est pas gay. Là où ça part tu sais là. J'ai ton paquet. Ouais là où toute la raison. On fait le tour du débat. Pour va mettre deux pas. En cas d'en brut mettre un débat. Je vais représenter la zone rouge de Roubaix. Là où ça bouge. Là où la nous veut chuter. Là où les petits pour un autre âge vont en GAV. Là où les petits tournent la page. Laisse plus marcher sur les pieds. Là où la barque a reculé pour faire place au CRS. Là où les keufs disent rarement RAS. Là où le shit a pris le dessus. Là où les mères de leurs fils sont tous déçus. Là où ils meurent trop de gens à l'appel. Là où y'a pas le temps pour des putains de querelles. Là où les dealers avec leurs clients se font des duels. Là où on est tous fous des deux roues. Là tu verras des putains de Welling Matin Berrou. Là où tout le monde sait faire des sous à la mode de chez nous. Là où on débloque on se reste les devant une baraque chic. Là où les embrouilles te choquent. Là on veut tous dans le froc un putain d'automatique. Là où les refus tempérés sont courants. Là où personne n'est à l'abri d'un courrier du palais. Là où chaque nuit tu pourras entendre résonner nos coups de briquet. Là où tu pourras voir des briques voler sur le pare-brise de la BRB. Là où les gars du toit prêts pour des snipers. Tu peux y participer que tu sois squatteur, glandeur ou dealer de popo. Là où les ours font des affaires avec les loups qui sont pas toujours réglo. Là où ça pète, là où ça crève les pépettes. Là où le raid est, te fait récolter un max de blé. Là où quand tu es l'étranger, t'as déjà une place dans l'étranger. Là où à 13 piges, ça spot les bords des GAV. Là où ça jesse pour pas se noyer dans ses soucis en cas d'embrouille. On sort les outils, dans ma rue y'a plus de limite. On vit dans l'excès, trop d'essais. Là où trop de mes frères pètent les plombs sur des spés. Là où l'odeur de la maille nous expose à une vie ratale. Là où se faire contrôler pour ne devenir un acte banal. Là où faut batailler, gars, pour bégrailler. Mais on garde la foi, malgré cette Vidra, de Rouba, Beyrouth, l'Oméga des sous-sols. Son stone en fout ma baroute. Vais pas test, de là où je viens. On te fausse par voie rectale, rectale, pédale. Là où on croque la vie, puisqu'elle n'est pas gay. Là où ça part, tu te suis. Vu qu'on pagaie, ouais, là où toute la journée on fait le tour du pâté pour va mettre pâté. En cas d'en brut, mettre un pâté. Là où on croque la vie, puisqu'elle n'est pas gay. Là où ça part, tu sais, là. Vu qu'on pagaie, ouais, là où toute la raison. Là où pour 59 grammes y'a pas de niveau. Les MC posez les drames. Je laisserai même pas l'honneur d'être mes rivaux. Là où depuis tout petit on a connu le bitume. Toc porte le harki les soirs de pleine lune. Là où le zahar n'est pas notre ami. Donc on se noie dans la tête d'une vodka toute la nuit. Là où la violence urbaine se multiplie. Révolte africaine sur la calage et l'usi. Là où les petits rugissent à la vue des calices. Vu que le territoire roubaisien n'est pas la jet set de Nice. Là où tu verras des gars foutre le dégât. Là où les la guérilla, là où y'a plus de frères au car plaque, au ralma. Là où c'est anti-flic, où ça caillasse la queue pas. Là où pour du fric, on allume ton terme. Là où on a la technique, tu pleuras 59 grammes l'allemand. J'vais représenter, là où avec les chemises on plaisante pas. Là où en 4 rages à sorber l'état et dire papa. Là où vers la délinquance on avance pas à pas. Là où trop de refrains se retrouver au car plat. Là où moi et mes potos on est posé. Là où les seuls carrés sont les pavés. Puis l'école on a déserté. Là où les petits connaissent le bleu. Vas-y venez l'équipe, on va se brancher une teuf teuf. Là où y'a des mois, des mamas du pas de Jean-Paul. Là où ça pète des antivols, là où c'est violence, drogue, alcool. Là où le haram, ramène des drahams. Là où le chétan on incarne avec nos armes et nos kilogrammes. Donc je vais de là où l'argent prend, là où les balances sont prend. Car à cause de trop ont déçu leurs parents, là où ça perd du tout chier parce qu'on paguait. Mais tous aux aguets, car les Schmitt peuvent vite débarquer. Un bebop pour les refrains sur le raté. Parce qu'on est fou, comme on sauce boulou. Des gros engins, parti de rien, voie loin. Tapin, ouais, parti de rien, voie loin. Là où tout se tourne la tête, au son d'une trompette. Là on aime quand ça pète, avec les flics qui jouent les troubles faits. Là où trop trop frais, squat tard pété. Là où on veut éviter de se faire péter. Là où tu pourras me trouver, posé au A79 QG. Avec l'équipe du 5-9G. Faire la morale c'est pas mon rôle. Je viens de là où c'est pas drôle. C'est pour ça que les frères se retrouvent dans mes paroles. Ouais y'a trop de galériens. Là où trop de mes frères sont en chien. Cousin, Alma 5900, c'est de là où je viens.